aujourd'hui du madrigal italien au lied polyphonique allemand. Italia Mia, madrigal à cinq voix composé sur un texte de Pétrarque par le musicien français Philippe Verdelot. Pourquoi rendre ici hommage à Philippe Verdelot, ce musicien français qui vécut très tôt en Italie et qui resta jusqu'à sa mort vers 1550? Eh bien, peut-être tout simplement parce qu'il a fait partie, avec Jacques Arkadelt notamment, des compositeurs qui ont été à l'origine de l'éclosion du madrigal italien au début du XVIe siècle. Une écriture contrapuntique complexe, qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler la polyphonie d'un Josquin des Prés dont Philippe Verdelot semble être ici le digne héritier. Mais une écriture musicale qui semble aussi timidement se dégager de ses conventions rhétoriques, poursuivre peut-être davantage la forme du texte et s'adapter aux accents de la poésie. En ces années 1530-1535, le madrigal italien est un genre musical qui se cherche. Il se cherche à travers l'émergence naissante d'une conscience expressive nouvelle, à travers le souci d'une expression plus directement liée à l'émotion et au sentiment de l'homme. La remise à l'honneur des poésies de Pétrarque va dans ce sens. La remise à l'honneur des idées humanistes, du philosophe florentin Marsile Ficin, qui vécut au XVe siècle, va également dans ce sens. Tout cela fait naître chez les musiciens en ce début du XVIe siècle de nouvelles aspirations esthétiques que le madrigal semble cristalliser peu à peu. Au fond, comme le remarque le peintre et architecte Giorgio Vasari dans son ouvrage sur la vie des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes de son temps, eh bien tous les arts à cette époque ne tendent qu'à cette seule et même recherche du naturel. Dans la recherche de ce naturel, écrit-il, les artistes parviennent à une interprétation encore plus précise des sentiments et des mouvements du corps. Calami sonum ferentes. Motet madrigal à quatre parties, écrit vers 1555 par Cyprien de Rohr. Ce musicien flamand, établi comme beaucoup de ses contemporains en Italie. Un chant lugubre, aux accents plaintifs, qui chante ici trois voix de basse et une voix de baryton. Le choix de ce registre grave n'est pas gratuit. Il accentue ici la dimension dramatique du texte qui décrit le chagrin et la peine. Mais de quel chagrin et de quelle peine s'agit-il ? Écoutons le poète nous répondre. « Reviens à moi, dit-il, triste que je suis du départ de mon prince. » Alors, quel est-il ce prince ? Eh bien, c'est le fils du duc Ercole II de Ferrare. Ce prince qui se verra contraint de quitter la cour en raison des relations conflictuelles qu'il a avec son père. Et Cyprien de Rohr fut celui qui traduisit la tristesse dans laquelle cet événement plongea toute la cour d'alors. Au fur et à mesure que s'écoule le XVIe siècle, le madrigal italien trouve ses marques, il trouve son identité. Il resserre toujours davantage les liens qui existent entre musique et poésie. Il s'ouvre à toutes les audaces harmoniques, à toutes les libertés formelles, car au fond, qu'importe que le poème soit entièrement libre, qu'importe qu'il n'obéisse à aucune loi de versification ou de structure, pourvu que la musique le suive dans toute sa liberté et dans toute sa progression dramatique. Et puis peu à peu, le madrigal va acquérir une noblesse qui va le distinguer de plus en plus nettement des autres genres profanes, des villanelles, des mauresques, des canzones, toutes ces chansons en forme de plaisanteries badines auxquelles Roland de Lassus était d'ailleurs si attaché. Une petite canzone pleine d'esprit signée Roland de Lassus. Humour, finesse, joie de vivre, légèreté, badinerie, autant de choses qui ne peuvent que contraster avec ce madrigal du même auteur que nous allons entendre sur un texte de Pétrarque qui nous invite sur les chemins de la solitude et de la désolation. Seul et pensif, par les désertes plaines, je vais errant d'un pas lent et lassé, l'œil aux aguets, à fuir trop empressé, tant que le sable montre trace humaine. Roland de Lassus a écrit près de 150 madrigaux. Ce sont des recueils qu'il publie vers 1555 à Venise ou à Anvers. En 1556, Roland de Lassus quitte Anvers et part pour Munich, s'installer à la cour du duc de Bavière. Là, il est nommé maître de chapelle. Arrivé dans un pays nouveau sans en connaître la langue, ce n'est pas chose facile. Cette langue, eh bien Roland de Lassus va l'apprendre à fond et il finira par en maîtriser toutes les nuances. Si bien qu'en 1567, soit près de 10 années après son installation dans la capitale bavaroise, Roland de Lassus publie son premier livre de Lieder polyphonique en allemand. Deine alte Welt. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum rundum, wie freundlich dein Herz rundum, ich freundlich zu dir komm, Les chansons polyphoniques allemandes de Roland de Lassus renouent avec l'esprit populaire, avec la verve railleuse de la canzone italienne. Elles semblent délaisser le raffinement jugé peut-être trop sophistiqué par les Allemands du genre madrigalesque, sans doute pour mieux laisser transparaître la naïveté des textes, le burlesque un peu frustre des situations et des personnages que l'on raconte. C'est avec une chanson à boire que nous allons nous quitter aujourd'hui, genre où Roland de Lassus excellait de par sa vivacité, son allégresse et sa bonne humeur. So trink ich Wasser, so trink ich Wasser, so trink ich Wasser.